Aujourd'hui, privé d'air. Vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 31 janvier et oui, ça y est, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Autant dire qu'on n'a pas vu passer le premier mois de l'année. Et en cette journée, nous souhaitons une bonne fête au Marcel, le dicton nous dit à la fin janvier, grenier et foin sont à moitié. Dans les célébrations internationales, au Nourou, c'est la fête nationale et fête de l'indépendance qui commémore la fin de la colonisation australienne. Dans les événements qui se sont déroulés un 31 janvier, en 1968, c'était l'indépendance de Nourou et en 2010, cette fois-ci c'est du sport, la France remportait le championnat d'Europe de handball. C'était à Vienne. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ça n'a pas été le cas cette année. Et devenez ainsi la première nation à remporter 3 titres d'affilée. Hein. Et oui, on fait bien d'en parler après les Jeux Olympiques et, en 2008 et le Mondial en 2009. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause musicale avec les Sex Pistols et leur titre Holidays in the Sun. Holiday, none of people's misery. Les Sex Pistols sur RGM, un peu plus de 8h35, on parle anniversaire. Ils sont nés un 31 janvier 1941, naissance de Jessica Walter, actrice américaine, vue à la télévision dans la série Arrested Development dans le rôle de Lucy Bluth, Saving Grace dans le rôle de Betty Anna Darko, ou encore Beverly Hills, la nouvelle génération dans le rôle de Tabitha Wilson. 1942, naissance de Daniela Bianchi, actrice italienne, connue pour son rôle de Tatiana Romanova dans Bon baiser de Russie, le deuxième film de la série James Bond. 1947, naissance de Jonathan Banks, acteur américain vu dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, le film Gremlins dans le rôle de Brent, le flic de Beverly Hills dans le rôle de Zach, Crocodile Dundee 3, Comment tuer son boss 2 et la série télé Breaking Bad dans le rôle de Mike Ehrmantraut. 1956, naissance de Johnny Rotten, musicien, chanteur britannique du groupe Sex Pistols. 1959, naissance d'Anthony Lapaglia, acteur australien connu pour son rôle de Jack Malone dans la série télé FBI Porté disparu, vu également dans Les Experts ou encore Frasier. 1970, naissance de Minnie Driver, actrice britannique vue dans GoldenEye dans le rôle d'Irina, Will Hunting dans le rôle de Skylar, le fantôme de l'opéra, Mariage à l'anglaise et la série télé Speakless dans le rôle de Maya Di Meo. 1973, naissance de Portia de Rossi, actrice australienne vue au cinéma dans Scream 2, mais surtout connue pour ses rôles à la télévision, notamment dans la série télé Ally McBeal dans le rôle de Nell Porter, Arrested Development dans le rôle de Lindsay Bluth-Funk ou encore Scandal dans le rôle d'Elizabeth Norse. 1974, naissance d'Harry Habitant, humoriste, acteur français vu dans Coco, Tout ce qui brille, Fatal, La Grande Boucle, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ainsi que la suite, hein, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, dans le rôle de David Benichou, Robin des Bois, La véritable histoire, dans le rôle de Petit Jean, Les Visiteurs, La Révolution, dans le rôle du marquis de Portofino, et vu à la télévision dans la série Nos années pension, dans le rôle de Bobor, ou encore apparu dans Scène de ménage. 1977, naissance de Kerry Washington, actrice américaine, vue dans le film Ray, dans le rôle de Della B. Robinson, Mr. and Mrs. Smith, Les Quatre Fantastiques, Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'Argent dans le rôle d'Alicia Masters, Le Dernier Roi d'Écosse, Jungle Unchained dans le rôle de Brumilda Von Schaft. Elle est apparue dans 5 épisodes de la série Boston Justice et elle incarne Olivia Pope dans la série Scandale. 1979, naissance de Brahim Asloum, ancien boxeur français, champion olympique à Sydney en 2000, champion du monde WBA en décembre 2007, devenu acteur, notamment dans le film Victor Young Pérez, où il incarne le boxeur, hein, Young Pérez, et vu également à la télévision dans Nos chers voisins. 1980, naissance de Camaro, chanteur libano-canadien, connu pour son titre Femme Like You, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Yes! Hey, Camaro! Hey, Martinez! Ready, girl? Let's do this, gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. Voilà pour l'extrait de Camaro. On continue les anniversaires. 1981, naissance de Justin Timberlake, chanteur, compositeur, acteur américain, vu dans The Social Network dans le rôle de Sean Parker, Bad Teacher, Sex entre amis dans le rôle de Dylan ou encore Players. 1983, naissance de Kinvey, chanteur français. 1985, naissance de Grégory Baugé, cycliste sur piste français, champion du monde de vitesse par équipe en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2015 et champion du monde de vitesse individuelle en 2009, 2010, 2012 et 2015.

The Feeling, Justin Timberlake sur le 107FM, un peu plus de 8h46, on parle météo. La météo. Et on va passer la journée sous la pluie, des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés pour cet après-midi. Et pour ce week-end, ce sera de la pluie également avec du vent attendu pour la journée de samedi. Samedi, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés l'après-midi. Et dimanche, entre 8 et 9 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis et l'Open d'Australie. Et hier, Novak Djokovic s'est qualifié en 3-7 face à Roger Federer à 7-6, 6-4, 6-3. L'autre demi-finale aura lieu ce matin, à heure française, 9h30. Elle opposera Tim à Alexander Zverev. La finale du double féminin s'est terminée il y a une petite demi-heure à peu près. Elle opposait la paire Babos Mladenovic à Sie Strikova. Eh bien, c'est la paire où figure notre Française Kristina Mladenovic. Pas facile à dire, qui s'est imposé donc en 2-7, 6-2, 6-1. Un nouveau titre du Grand Chelem donc au palmarès de la Française. Un mot de football maintenant avec la Coupe de France et le dernier résultat de ces huitièmes de finale. Lyon s'est imposé 2-1 à Nice. Le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu hier soir avant le match Nice-Lyon. On connaît le prochain adversaire d'Épinal et ce sera Saint-Étienne. Autant dire que tout le monde était content, hein, que ce soit entraîneur ou joueur, de tirer un club prestigieux hein, comme Saint-Étienne. On sait déjà que le match n'aura pas lieu hein, au stade de la Colombière à Épinal, puisque à partir de maintenant entrera en jeu la VAR hein, et donc à Épinal ce n'est pas possible. La rencontre devrait vraisemblablement se jouer à Nancy. On ne connaît encore pas la date. Hein. Ce sera soit le 11, 12 ou 13 février prochain. Donc voilà, il y a encore quelques petites interrogations sur la rencontre. Bien sûr, dès qu'on a des nouvelles, on vous les communique. Les autres rencontres, Belfort, autre club de National 2, recevra le Stade Rennais. Et ensuite, on aura eh bien, des matchs entre Ligue 1. Dijon affrontera le PSG et l'Olympique Lyonnais affrontera l'Olympique de Marseille. Allez au programme de la Ligue 1 ce soir, Rennes reçoit Nantes. Samedi, le PSG recevra Montpellier, Amiens, Toulouse, Angers, Reims, Dijon, Brest, Nîmes, Monaco, Strasbourg, Lille. Dimanche, Nice recevra Lyon, Metz recevra Saint-Étienne et on terminera avec Bordeaux, Marseille. En Ligue 2 ce soir, Nancy se déplace à Le Mans. En National 2, samedi, Épinal recevra Bobigny. En National 3, samedi toujours, hein, Raon L'Étape recevra Sa Réunion et Thaon-les-Vosges recevra l'équipe 2 de Metz. Un mot de hockey sur glace en D2. Épinal reçoit samedi à la patinoire de Poissompré le club de Valenciennes. L'avant-dernier match de la saison régulière. Et on termine avec du basket et on va parler de la NBA puisque ont été communiqués les sélectionnés pour le All-Star Game qui aura lieu le 16 février prochain à Chicago. Et ça y est, le Français Rudy Gobert est enfin sélectionné parmi les joueurs hein, pour participer au All-Star Game. Il s'est passé de justesse hein, les deux fois précédentes, mais là ça y est, il y est enfin, c'est le troisième Français à participer au All-Star Game après Tony Parker et Joakim Noah. Du côté de chez nous, en Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Rouen et en National 1, le Jet reçoit Pont de Chéruy. Et c'est tout pour l'actualité sportive. On va marquer la dernière pause musicale avec Kinvé et son dernier titre Pour y arriver. J'ai frappé les murs bêtement. Tu peux être sûr qu'on te ment. J'ai mis mon armure maintenant et pense mes blessures lentement. Et je ne peux m'empêcher de me revoir enfant. Des rêves au perché qui me semblaient bien trop grands. Là si je pouvais parler au mois d'avant, je sais que je me dirais de faire confiance au temps et de ne jamais baisser les bras jamais. Car la seule clé de la réussite c'est pour y arriver. Le dernier titre de Kinvé sur RGM, un peu plus de 8h53. On fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 14h. Ce sera la rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis. À 21h, vous retrouverez Vincent avec Vivre et créer à la montagne. Quant à nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.